Il est pour le malade une heure plus lourde encore à porter que celle du réveil. C'est la dernière du jour. L'heure qui termine le soir et commence la nuit. Pendant le jour, l'activité douce et bienveillante de ceux qui entourent le malade supplée, pour ainsi dire, à sa propre activité. On le distrait, on le soutient, on lui fait une lecture, on l'amuse d'un récit, on le tire de la vue trop concentrée de ses maux. Mais le soir, tous ses secours se retirent et le pauvre souffrant demeure seul. Tous les malades connaissent l'amertume de cette heure où la fidélité la plus tendre leur donne ses derniers soins et les laisse en compagnie d'une lampe qui tremble et devant 10 heures d'insomnie. Ce moment est pour tous celui du repos. C'est au contraire pour le malade celui d'une agitation désolante. Ce qui lui reste de force ne sert qu'à le tourmenter. Une ardeur fiévreuse s'empare de ses membres et trouble son âme. Comment alléger pour lui le poids de cette heure? Quel souvenir invoquer pour le soulager dans le moment de sa passion? Ah, dans l'extrémité de certaines détresses, il n'est au monde qu'un secours, et ce secours dernier, mais toujours souverain, c'est la passion du Sauveur. Pauvre malade, abandonné le soir, et aussitôt assailli par les troubles, les prévisions sinistres, les apparitions désolantes, n'en doutez point, c'est pour vous, comme pour tous les délaissés dans l'heure de l'angoisse, que le Sauveur des hommes a voulu traverser cette cruelle heure du soir, et l'abandon de Gethsémani. Le monde s'est retiré loin de vous, il est présentement occupé de ses plaisirs et de ses fêtes, et l'écho de ses joies brillantes arrive peut-être jusqu'à votre lit de souffrance. Laissez-le sans colère, comme sans envie, à l'étourdissement de son faux bonheur, et unissez ce premier détachement à celui de Jésus, laissant d'abord ses disciples à l'entrée du jardin des Oliviers. Vos proches, vos amis les plus chers, vos serviteurs les plus dévoués, vous laissent à leur tour. Ce n'est de leur part ni dureté, ni trahison, mais ils sont faibles comme sont les âmes dans l'infirmité des sens, et le sommeil est plus fort en eux que l'amour. Leurs yeux étaient appesantis. Laissez-les à ce repos qu'ils ont gagné par leurs soins de tout le jour. Ne leur demandez pas de veiller davantage. Courage. Sachez rester seul et unissez ce second abandon à celui de Jésus qui tend ses 3 amis préférés pour marcher seul au-devant du calice. Que si, vaincu par la souffrance et par l'angoisse de la solitude, vous éveillez ces pauvres gardiens de vos misères et leur demandez du secours, ne vous irritez point de les trouver engourdés de fatigue, vous répondant à peine, vous servant à la hâte, et retombant aussitôt dans l'insensibilité du sommeil. Pas de révolte intérieure, pas de dur reproche, pas d'injuste soupçon. Pierre, Jacques et Jean aimèrent Jésus, mais ils ont dormi sous les oliviers de Gethsémani le sommeil de toute faiblesse humaine. Encore une fois, demeurez dans le silence, et unissez ce 3e abandon à celui de Jésus, laissant les 3 pauvres disciples à leur sommeil. Les terreurs, les tristesses invincibles, les troubles d'esprit viendront. Unissez-les à ces troubles excessifs et à cette agonie spirituelle qui prosterna le Sauveur contre terre. Si vous pleurez, que ce soit avec Jésus, car il a pleuré. Si vous vous plaignez, que ce soit avec Jésus, car il s'est plaint. Si vous demandez la fin de l'angoisse, que ce soit avec Jésus, car il l'a demandé. Mais demandez-la comme il l'a fait, disant « Ô Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, mais que votre volonté soit faite et non la mienne. Soyez donc avec Jésus, soyez seul avec lui. Mais qu'est-ce à dire, chrétien? Sinon que vous ne serez jamais seul dans vos douleurs, et que le divin ami toujours présent, toujours éveillé pour vous secourir, enverra bientôt à vous l'ange de sa secrète et pénétrante consolation. Les anges s'approchèrent et ils le servaient. Ainsi soit-il. »